إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc là maintenant on commence le cours 6, c'est le charh de l'usul al-salata avec le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Et là on est rendu à une autre catégorie d'adoration, c'est al-inaba. Donc le Cheikh il dit, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit, وَدَلِيلُ الْإِنَابَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. C'est dans Sourate Az-Zumar, le verset 54. Donc Al-Inaba, ça veut dire de retourner à Allah subhanahu wa ta'ala en repentance. Et la différence entre Al-Tawbah et Al-Inaba, c'est le fait que la personne qui retourne à Allah subhanahu wa ta'ala, après sa repentance, il augmente en bonnes œuvres et il se réforme. Contrairement à celui qui Al-Tawbah seulement, c'est qu'il se repent de son péché, tandis qu'Al-Inaba, c'est en plus de Al-Tawbah, il y a après une augmentation de piété puis de bonnes œuvres. Et le verset ça veut dire quoi? Anibou, ça veut dire retournez à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Ça c'est ce que ça veut dire. Ça c'est la preuve que c'est une adoration. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit à ce sujet-là: wa hakada al-inaba inaba al-inaba ibada. قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإنابة معناها الرجوع إلى الله والتوبة إليه والتوبة إليه والاستقامة على دينه أو على طاعته، وهذه عبادة لله. يجب على الناس أن ينيبوا إلى الله ويرجعوا إليه ويتوبوا إليه ويستقيموا على طاعته. الشيخ يقول que de même que الإنابة est une adoration, comme Allah il dit, et retournez tous à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Il dit que Al-Inaba, c'est la signification, c'est de retourner à Allah subhanahu wa ta'ala et de se repentir à lui et de se mettre droit sur son obéissance. Voilà l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une adoration pour Allah. Et il est obligatoire pour tout le monde de retourner à Allah subhanahu wa ta'ala en repentance. Et de faire al-inaba, et de se mettre droit sur son obéissance, de se mettre sur la rectitude. Ensuite, il y a une autre adoration qui est mentionnée, c'est al-isti'ana. Le Cheikh il dit, wa dalil al-isti'ana, qawluhu ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fil hadith, idha sta'anta fasta'in billah. Al-isti'ana, ça veut dire de chercher l'aide, Et donc, ça c'est une forme d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Fatiha, le verset 5, c'est toi seul que nous adorons, et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Iyaka nasta'in. Et le verset, dans le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Ibn Abbas, lorsqu'il était monté derrière lui sur son âne, il lui a dit, wa idha sta'anta fasta'in billah. Et lorsque tu demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh il dit ça c'est la preuve que c'est une adoration. Et le Cheikh Ibn Baz il commente à ce sujet-là, puis il dit wa hakadha al-isti'anatu ibadah. Comme قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. فيستعين العبد بالله فتقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك. اللهم أعني على طاعتك. اللهم أعني على كل خير. إلى غير هذا، ف فتستعين بالله في كل المهمات. الشيخ يزيد donc الله سبحانه وتعالى il dit dans le Coran au sujet de al-isti'ana et la preuve que c'est une adoration, le verset dans sourate al-Fatiha et le hadith qu'on a mentionné. Et puis il dit donc, tu demandes l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu dis par exemple, oh Allah, aide-moi à me rappeler de toi, à ton rappel, et à te remercier, et à être reconnaissant envers toi. Oh Allah, par exemple, aide-moi dans ton obéissance, à aimer à la ta'atik. Ou bien tu dis, oh Allah, aide-moi à faire tout ce qui est bien, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'exemples qu'on peut faire, ou de choses qu'on peut demander, ou de choses dans lesquelles on peut demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en principe, on devrait demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qui est important. Après, le Cheikh, il donne un autre exemple d'une autre adoration. Dalil al-isti'aza, la preuve que de demander, de chercher le refuge à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration. قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Ça c'est des versets dans sourate al-Falaq et dans sourate al-Nas qui prouvent que de chercher le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala c'est une adoration. Dit je cherche le refuge en le Seigneur de l'aube naissante. Et dit je cherche le refuge en le Seigneur des hommes. Et le Cheikh Ibn Baz il commente à ce sujet-là. Il dit وهكذا الاستعاذة عبادة أن تستعيذ بالله من الشرور وتلجأ إليه كما قال تعالى قل أعوذ برب الفلق وقوله قل أعوذ برب الناس فالاستعاذة بالله من الشيطان ومن كل مؤذن ومن كل عدو أمر مأمور به كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Donc, le Cheikh, il dit donc que, également, al-isti'aza, c'est une adoration, c'est de chercher refuge contre tout ce qui est mauvais, et de te réfugier vers Allah subhanahu wa ta'ala contre ce mal. Et il mentionne les deux versets dans le surat al-Falaq et surat al-Nas. Il dit, je cherche le refuge en Allah, contre le Seigneur de l'aube naissante, et dit je cherche refuge en Allah contre le Seigneur des hommes. Et donc il dit il faut également chercher le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaitan, et il faut chercher également le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala contre tout ce qui est nuisible, contre tout ennemi et contre toute chose qui peut nous faire du mal, et contre tout ennemi. Et c'est une chose qui nous est commandée et ordonné. Et il mentionne un verset dans Surat Al-A'raf, le verset 200 dans Surat Al-A'raf, et ça dit, et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche le refuge auprès d'Allah, car il entend tout et il sait tout. Donc ça c'est au sujet de cette adoration-là. Maintenant il mentionne une autre adoration, al-isti'aza, de chercher, al-istighatha, pardon, de chercher, d'appeler au secours, de demander le secours. Le shaykh, il dit que ça c'est une adoration. Et la preuve que c'est une adoration, il dit, qawluhu ta'ala, iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. C'est dans Surat al-Anfal, le verset 9. Lorsque vous cherchez le secours de votre Seigneur, et il vous exauça. Et donc il vous a exaucé. Ça c'est dans, donc la preuve que c'est une adoration. Et le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il donne un commentaire à ce sujet-là. Il dit هكذا الاستغاثة عبادة أن تستغيث بالله في الشدائد من عدو أو تطلب تطلبه إنزال الغيث المبارك تطلبه أو تطلبه إنزال الغيث المبارك تطلب منه الغيث المبارك أو بكشف الضر. Il dit ça c'est une adoration, de chercher d'appeler au secours Allah subhanahu wa ta'ala dans les difficultés, lorsque tu as un problème avec contre un ennemi qui va t'attaquer et que tu demandes le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de faire tomber la pluie, ou bien tu lui demandes d'enlever un mal qui t'a atteint. Tout ça fait partie de l'istighatha, et il mentionne le verset comme preuve, le verset qu'on a mentionné. يَسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Ensuite, il mentionne une autre forme d'adoration qui est الذبح. Il dit وَذَلِيلُ الذبح قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. Le Cheikh il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 162 et 163 dans Surat Al-An'am, dit ma salat et mon sacrifice et ma vie et ma mort appartiennent à Allah ou sont pour Allah le Seigneur des mondes, il n'y a pas d'associé avec lui, il n'a pas de partenaire, la sharika là. Et yani, il mentionne une preuve aussi de la sunnah qui dit Allah subhanahu wa ta'ala a maudit quiconque sacrifie un animal pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quiconque sacrifie pour autre que Allah, il est maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est la preuve que c'est une adoration. Et le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit à ce sujet-là donc que c'est une adoration. Il fait juste le commentaire en disant وَهَكَسَ الذَّبْحُ عِبَادَةً. Et il mentionne les deux versets. Ensuite, il mentionne une autre adoration, c'est النذر. Il dit que la preuve que النذر est une adoration, c'est le verset 7 dans Surat al-Insan. قَوْلُهُ تَعَالَى يُفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. النذر ça veut dire quoi? النذر ça veut dire quand quelqu'un par exemple il veut avoir un dua exaucé. Ok? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, puis il dit à Allah subhanahu wa ta'ala si tu me donnes cette chose que je t'ai demandé, donc moi de mon côté je vais faire par exemple une sadaqa de 100 euros par exemple. Quand tu vas exaucer mon dua, je vais faire une aumône de 100 euros. Ça, c'est un nazr. C'est comme un vœu, un engagement. Ça se traduit pas vraiment bien quand on dit ça comme ça avec le mot vœu, mais engagement, vœu, c'est pour faire comprendre le sens. Et il y en a qui font le shirk dans cette adoration-là, parce qu'ils l'offrent à autre que Allah, c'est-à-dire ils vont voir un wali. Et puis il dit au wali par exemple, si tu exauces mon vœu, comme si tu guéris un malade pour moi, ou que tu par exemple m'aides à tomber enceinte ou des trucs comme ça, eh ben en retour, moi qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir à ta tombe pour sacrifier un mouton. Ou bien je vais donner un sadaqa pour les enfants du wali, ou les descendants du wali, ou des trucs comme ça. Et ça c'est shirk. Il y en a qui font ça aussi pour le djinn, demandent l'aide des djinns, puis quand le djinn leur rend service dans quelque chose, ils l'égorgent pour le djinn. Ou il y a beaucoup d'exemples comme ça, quand des gens ils construisent une maison à un endroit, ben, ils égorgent un mouton à cet endroit-là pour le djinn. Ça c'est al-dhabh, c'est pas al-nadr, mais c'est al-dhabh. Ils sacrifient un animal pour les djinns qui soi-disant à cet endroit-là où il veut construire sa maison pour ne pas avoir des problèmes avec les djinns qui sont là. Et ça c'est une forme d'adoration pour les djinns et c'est shirk ça aussi. Donc ça c'est des exemples. Et le shaykh il dit donc وَهَكَذَا النَّذْرُ عِبَادَةٌ قَالَ تَعَالَى يُوفُونَ بِالنَّذْرِ قَالَ تَعَالَى وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وقال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالنذر عبادة وطاعة لله إذا فعله الإنسان لزمه الوفاء، والنذر مكروه لأن فيه التزاما وفيه مشقة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير، ولكن إذا نذر طاعة لزمه الوفاء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا نذر عبادة من صلاة أو صوم أو غيرهما لزمه الوفاء لما تقدم. Le cheikh il dit donc, le cheikh Ibn Baz il dit à ce sujet-là, que al-nadr c'est une forme d'adoration. Et il mentionne les preuves de ça, yufuna bin nadri, c'est-à-dire ils respectent leurs vœux et leurs engagements de, d'avoir, quand ils ont fait un vœu. Et le verset 270 dans Al-Baqarah, tout ce que vous donnez comme nafaqa, comme dépense de vos biens, ou que vous faites comme vœu, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Et il mentionne le hadith dans lequel le prophète sallam a dit, celui qui a fait un vœu de, d'adorer Allah alors qu'il l'adore, qu'il l'obéisse, d'obéir à Allah qu'il l'obéisse, et celui qui fait un vœu de désobéir à Allah alors qu'il ne désobéisse pas. Il y en a des fois, ils font des nazr pour une chose haram. Et ça, c'est pas permis. Donc ils doivent annuler leurs vœux qu'ils ont fait à ce moment-là. Parce que c'est un péché. Et donc le cheikh, il dit que un nazr, c'est une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala et une obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui l'a fait, qui a fait un nazr, il doit le respecter et l'accomplir. Et à la base, de faire un vœu, c'est quelque chose qui est détestable. C'est pas quelque chose qui est recommandé ou qui est encouragé. C'est pas quelque chose de bien. Parce que quand tu fais un vœu, tu te mets une charge sur toi-même et tu t'obliges de faire quelque chose et ça peut être difficile pour toi. Peut-être que par la suite, tu as de la difficulté à respecter ce vœu-là. Et donc, c'est pas quelque chose de bien à la base. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas permis, il a interdit de faire des vœux de ce genre. Et il a dit que ça n'amène pas du bien. Toutefois, une fois que tu l'as fait le vœu, si tu l'as pas fait, c'est pas recommandé de le faire, tu dois pas le faire. Mais une fois que tu l'as fait, tu dois le mettre en œuvre, tu dois l'appliquer. Comme le professeur Assalam a dit, celui qui a fait un vœu d'obéir à Allah alors qu'il l'obéisse. Et il dit que si tu as fait le vœu que tu allais faire une adoration comme la salat ou un jeûne, ou autre, alors tu es obligé de l'accomplir comme tu l'avais dit. Donc ça c'est la fin du premier point, du premier fondement, parmi les trois fondements. C'est Man Rabbuk, qui est ton Seigneur. D'accord, ça c'est le premier point, on a complété ça. Maintenant, le deuxième, Al-Aslu Thani, c'est Ma'rifatu Din al-Islam bil Adillah. Le deuxième point c'est de connaître la religion de l'Islam avec les preuves. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il explique à ce sujet-là, wa huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid wa al-inqiyadu lahu bit-ta'ah wa al-bara'atu min ash-shirk wa ahlihi wa huwa thalathu maratib al-islam wal-iman wal-ihsan wa kullu martaba laha arkan. Donc le cheikh il dit que il faut connaître la religion de l'islam avec ses preuves, et il dit que l'islam ça signifie quoi? Ça signifie de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par son tawhid et d'obéir, de se soumettre à Allah également par l'obéissance, c'est-à-dire de se soumettre physiquement par l'obéissance et de se désavouer du shirk et des gens qui sont dans le shirk, des gens qui font le shirk, il faut se désavouer d'eux. Et il dit que l'islam elle a trois degrés. Le premier degré c'est l'islam. Le deuxième degré c'est al-iman, la foi, et le troisième degré c'est al-ihsan. Et chacun de ces piliers, chacun de ces degrés a des piliers. Ok. Maintenant, on va lire les explications du cheikh Ibn Baz, rahimahullah, au sujet de ce point-là. Lorsqu'il mentionne le titre de ce point, de ce fondement, il dit, après avoir dit ma'rifatu din al-islam bil adillah, il clarifie, il dit, هذا هو الأصل الثاني وهو دين الإسلام وهو ثلاث مراتب بينها الرسول صلى الله عليه وسلم فأولها الإسلام وهو الإخلاص لله وحده يعني الاستسلام لله بالعبادة وتخصيصه بها دون كل ما سواه والبراءة من الشرك وأهله. الشيخ الزكال سأسي لدوزيام بوين لدوزيام فوندما إيه سي الإسلام سي لغليجون دو الإسلام. Et elle a trois degrés. Il y a les trois degrés que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a clarifié. Le premier degré c'est l'islam, l'islam elle-même, la soumission. Et il explique que c'est de purifier ton adoration et ta religion pour Allah seul. Et ça veut dire de te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration et de rendre ton adoration exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et de l'offrir à personne d'autre que lui, et de se désavouer du shirk et de ceux qui pratiquent le shirk. فإذا فعل ذلك فقد أسلم يعني انقاد وذل وخضع لله وحده بالعبادة دون كل ما سواه دون كل ما سواه وتبرأ من الشرك وأهله. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الشيخ اللي donc celui qui a accompli ça, qui a respecté ça, alors lui il s'est soumis à Allah سبحانه وتعالى. Et ça veut dire qu'il s'est soumis et qu'il s'est humilié et qu'il s'est fait petit devant Allah subhanahu wa ta'ala et humble devant Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, en l'adorant, en lui offrant à lui seul son adoration et en se désavouant du shirk et des gens qui commettent le shirk. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 256 dans Surat al-Baqarah, quiconque a mécru en le tarot, hein, en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et qui a cru en Allah, alors il s'est accroché à l'anse la plus solide. Donc ça veut dire que tu dois rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et croire en Allah par la suite. Donc le plus en fait, c'est que si tu n'as pas rejeté ce qui est adoré en dehors d'Allah, ça veut dire que tu n'as pas adoré Allah seul, hein, que tu n'as pas vraiment cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne l'explication de ça, il dit « وَالْكُفْرُ بِالطَّاغُوتِ مَعْنَهُ أَلْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ وَإِنْكَارُ ذَلِكَ وَاَعْتِقَادُ بُطْلَانِهِ » Donc il dit que le kufr, de rejeter le tarot, ça veut dire de se désavouer du shirk et des gens qui pratiquent le shirk, et de dénoncer le shirk, de rejeter le shirk, et de croire que le shirk est faux. Tout ce qui est shirk et kufr, de le rejeter et de se désavouer du shirk. C'est pas juste suffisant de dire, par exemple, « Oh oui, moi je suis musulman, l'islam c'est la religion de vérité, l'islam c'est le haqq, et je crois en Allah subhanahu wa ta'ala. » Tout ça c'est beau, tout ça c'est vrai, mais c'est pas suffisant pour que tu sois un musulman, et c'est pas suffisant pour que tu sois quelqu'un qui est sur le tawhid. Tant que tu n'as pas dit « et je rejette tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et tout ce qui est adoré par les êtres humains dans les autres religions, par autre que… par les êtres humains autres que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire des hommes qui adorent autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala ou qui adorent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, tous ces gens-là sont des mushrikines. Et tous ces gens-là sont dans l'égarement et sont dans le kufr. Et c'est obligatoire de se désavouer de ça, sinon tu n'as pas encore appliqué le tawhid réellement. D'accord? Et il dit qu'il y a, هناك مرتبة مرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان كلها داخلة في دين الإسلام الدين الذي شرعه الله لعباده وأرسل به الرسل جميعا ومرتبة الإسلام تشمل الأعمال الظاهرة تشمل الأعمال الظاهرة donc le chef dit qu'il y a un degré de la foi, le degré de la foi, il y a le degré de l'ihsan. Il y a le degré de l'ihsan qui est le perfectionnement de la foi, et il y a, il dit que tout ça, ça rentre dans la religion de l'islam, et que c'est la religion que Allah a révélée pour ses serviteurs, et qu'il a ordonné à ses serviteurs, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé tous ses messagers avec cette religion-là. C'est-à-dire, tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala sont venus avec cette religion-là. Et il dit que le degré de l'islam, ça comprend les actions extérieures de l'islam. D'accord? Donc, le cheikh, il dit, فَأَرْكَانُ الْإِسْلَامِ خَمْسَةً. Donc, les piliers de l'islam sont de 5. Et le cheikh Ibn Baz, il explique ça maintenant. Il dit, فَأَرْكَانُهُ خَمْسَةً. Les piliers sont 5. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فأول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وبها يدخل العبد في الإسلام فيشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله وهي نفي وإثبات فلا إله نفي ولا وإلا الله إثبات وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين Le Cheikh dit que les piliers de l'islam sont de cinq, le témoignage de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, et d'établir la salat, et de donner la zakat, et de jeûner le ramadan, et de faire le hajj vers la maison, c'est-à-dire la Kaaba, si tu as la capacité de le faire. Et c'est rapporté, c'est dans un hadith authentique, hein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'islam est bâti, que l'islam est bâti sur cinq piliers. Et il dit que c'est le témoignage de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que la salat, il faut l'établir, et qu'il faut donner la zakat, et qu'il faut jeûner le mois de Ramadan, et qu'il faut faire le hajj à la Kaaba. D'accord? Et le premier des piliers de l'islam, c'est de témoigner de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est par ça que quelqu'un rentre dans l'islam, quand il témoigne de la ilaha illallah. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce témoignage-là, il y a deux parties. Dans la ilaha illallah, il y a deux parties. La première partie c'est la ilaha, et la deuxième partie c'est illallah. Hein? Donc, bonjour. Hein? Salam alaikum. Donc la première partie, c'est c'est-à-dire dans la ilaha illallah, dans la ilaha illallah, il y a deux parties. Il y a la ilaha et il y a illallah. Il y a une négation et il y a une affirmation. La ilaha, c'est la négation, et illallah, c'est l'affirmation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la ilaha, tu nies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et illallah, ça veut dire tu affirmes que c'est uniquement Allah qui mérite l'adoration. Ça veut dire que si tu n'as pas fait la négation et l'affirmation, tu n'as pas cru encore au tawhid. Tu n'as pas encore cru en la ilaha illallah. Pour que tu sois vraiment croyant en la ilaha illallah, il faut que tu aies non seulement cru en Allah subhanahu wa ta'ala, mais que tu aies rejeté tout ce qui est adoré en dehors d'Allah par les êtres humains. Hein? Peu importe qu'est-ce que ça peut être, que ce soit un être humain, un djinn, un ange, un prophète, un messager, une roche, une pierre, un arbre, un astre, n'importe quoi. Si tu adores quelque chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu n'as pas dit là, tu n'as pas encore compris et établi la ilaha illallah. Il faut absolument que tu aies réuni les deux choses, l'affirmation, la négation et l'affirmation. Et il dit, قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Verset 5 dans sourate Al-Fatiha. Et le verset 5 dans sourate Al-Bayyinah. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. On ne leur a demandé que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif et en adorant que lui, hein, en purifiant notre adoration pour lui seul. وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Le verset 62 dans sourate Al-Hajj, ça dit, et ça c'est parce que Allah c'est lui la vérité, et que ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, c'est le mensonge, et c'est la fausseté. Ou al-batil. Donc il faut que tu sois convaincu de ça. Que tout ce que les hommes adorent en dehors d'Allah, que ce soit des tombes, ou des awliyas, des saints, ou des idoles, ou des images, ou des croix, ou n'importe quelle autre chose en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ceux qui adorent ça, ils adorent le mensonge, ils adorent le batil. Et ils n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils disent qu'ils reconnaissent l'existence de Dieu. Hein? Parce que c'est pas suffisant de dire je reconnais l'existence de Dieu, puis après tu adores d'autres avec Dieu. Hein? Ça c'est contradictoire. Et le Cheikh dit « Amma qawluha biduni l'amali biha, fala tanfa, ka'an yaqul la ilaha illallah, wa la yakhussu Allah bil ibadah. » فإن شهادته لا تنفع كالمنافقين فإنهم يقولونها ويعتقدونها فهم في الدرك الأسفل من النار. Le chef il dit que si tu fais juste dire la ilaha illallah sans l'appliquer, tu dis la ilaha illallah puis tu fais le shirk, eh bien ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est comme un perroquet. Tu répètes une parole puis tu fais le contraire. Ça ne compte pas. Si tu n'as pas rendu ton adoration purement et uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors ton témoignage de la ilaha illallah n'a aucune valeur. Comme le témoignage des hypocrites, al-munafiqin. Ceux qui disent qu'ils croient, mais que dans leur cœur, ils n'ont pas la foi. Eh bien, ceux-là, yani, ils seront dans le plus bas dans l'enfer, les plus bas degrés de l'enfer. Hein, c'est eux qui vont être les plus creux dans l'enfer. A'udhu billah. Donc, le cheikh dit, « فَالَّذِي يَقُولُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ وَيَعْبُدُ الْقُبُورُ وَالْأَصْنَامِ لَا تَنْفَعُهُ بَلْ هِيَ بَاطِلَةٌ » Le cheikh il dit, celui qui dit « لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ » et qui adore les tombes et les idoles, alors de dire la ilaha illallah, ça n'a aucune importance, ça n'a aucune signification, ça n'a aucune valeur pour lui. Parce qu'il dit la ilaha illallah, puis il fait le contraire de la ilaha illallah. Il dit rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah, puis il adore d'autres avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme s'il dit une chose, puis il fait son contraire. Et c'est une absurdité en fait de leur part. Et donc ça veut dire que ça annule leur témoignage. Le cheikh il dit, أما الشهادة الثانية وهي أن محمدا رسول الله فدليلها قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم تعرفونه لأنه من أنفسكم وهو من أشرف قبائلكم ومن بني هاشم عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه ويشق عليكم يشق عليه ما يشق عليكم حريص عليكم يعني على هدايتكم وإنقاذكم من النار. Le cheikh il dit que la deuxième partie du témoignage c'est Muhammad wa anna Muhammadan Rasulullah et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve de ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit et certes il y a un messager qui vous est venu, hein, un messager d'entre vous qui vous est venu. Et le cheikh il explique que ça c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le verset s'adresse aux Arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala il dit à leur sujet, un messager vous est venu de parmi vous-même, hein, un des vôtres. Il dit min anfusikum et c'est un parmi les gens qui font partie de vos plus nobles tribus. Bani Hashim, hein, il fait partie des gens parmi les plus nobles parmi les Arabes, Donc c'est pour dire que vous le connaissez, hein. À la base, il est venu chez eux. Après, son message c'est pour l'humanité tout entière. Mais à la base, il est venu pour les gens de Quraysh et les Arabes de l'époque. Il dit, Azizun alayhim anittum, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous ressentez comme difficulté, c'est dur pour lui, il le ressent également, et c'est dur pour lui également, comme si c'était à lui que ça arrivait cette difficulté-là. Donc, ça c'est une des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, qui s'en fait pour les autres. Et « harisun alaykum », c'est-à-dire, c'est pas quelqu'un d'indifférent, c'est pas quelqu'un qui, ça lui est égal, qu'est-ce que les gens vont dire ou qu'est-ce que les gens vont faire par rapport à la vérité, ou qu'est-ce qui va arriver d'eux dans l'au-delà, qu'ils vont aller en enfer. Non, ça lui fait quelque chose de savoir que les gens sont dans l'égarement. Il ressent quelque chose par rapport à ça. Et il a un désir ardent de voir que les gens vont suivre la guidance et être sauvés de l'enfer. Hein. Il veut du bien pour les gens. C'est pas quelqu'un d'indifférent puis d'égoïste ou de quelqu'un qui pense juste à lui-même. Donc ça c'est important de comprendre que ça c'est une des caractéristiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit Muhammadun Rasulullah. Hein, ça c'est la preuve aussi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est le messager d'Allah. Le verset 29 dans sourate Al-Fatih. Il dit Muhammadun Rasulullah. Il y en a parfois des gens qui se convertissaient à l'islam puis ils disaient non moi je veux juste dire la ilaha illallah, je veux pas dire Muhammad Rasulullah. Celui qui ne dit pas Mohammed Rasulullah, il n'est pas musulman. Parce que pour dire que tu crois en l'islam, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui t'a amené l'islam. Et donc si tu suis pas et tu n'obéis pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tes actions ne seront pas valables. Parce que tes actions et tes adorations doivent être faites selon l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est lui le dernier des messagers. Et c'est lui le dernier des prophètes. D'accord? Et donc c'est obligatoire de croire en lui. Et après il dit, وبعد هذه الشهادة على العبد أن يطيعه فيما أمر وأن يصدقه فيما أخبر وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Le cheikh il dit que après que tu as fait ce témoignage, après avoir fait ce témoignage là, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala doit obéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que Allah a ordonné et dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Il doit obéir et il doit croire en ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné comme information au sujet de la religion et il doit s'écarter de tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit ou toute chose au sujet de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné yani des menaces ou il a blâmé la personne pour avoir fait quelque chose, s'il a blâmé cette chose-là, alors tu dois t'en écarter. Et également, tu ne dois adorer Allah que par l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, quand tu veux prier, comment tu pries? Tu pries selon l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu veux jeûner, tu suis la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu veux faire le hajj, tu fais le hajj selon l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que tu fais comme adoration, sache que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour clarifier comment la faire cette adoration-là. Il ne t'a pas laissé comme ça sans exemple et sans modèle à suivre. Allah sallallahu alayhi wa sallam t'a envoyé un prophète qui est un modèle pour toi. Et donc tu le suis dans tous les exemples et il n'y a rien qui a été oublié. Donc tu ne peux pas non plus inventer ta propre façon d'adorer Allah sallallahu alayhi wa sallam et amener des choses nouvelles dans la religion. Ça c'est ce qu'on appelle des innovations, des bid'ahs. Et quiconque fait une bid'a dans la religion, ce ne sera pas accepté de lui. Parce qu'il veut adorer Allah à sa propre façon, selon son imagination, et ça c'est rejeté dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque invente dans notre religion quelque chose qui n'en fait pas partie, elle sera rejetée. Donc l'adoration, il n'y a pas d'innovation dedans. Ce n'est pas permis d'innover dans la religion. Le cheikh dit ensuite, « Wa ba'da hadhihi shahada » على العبد أن يطيعه فيما أمر. أوكي. صار نكبيكي. أقول الشيخ دي فلا بد من هذه الأمور الأربعة. الأول طاعته فيما أمر من الصلاة والزكاة وغيرها. والثاني تصديقه فيما أخبر عن الآخرة والجنة والنار وغير ذلك. والثالث اجتناب ما نهى عنه وزجر كالزنا والربا وغير ذلك مما نهى الله عنه ورسوله. والرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرع فلا يبتدع في الدين مما لم يشرعه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود لشيخ الزدوك ففي 4 شوز رابوه تمواج محمد رسول الله يعني 4 رجل. La première règle, comme on a dit, de l'obéir dans ce qu'il ordonne, comme la salat et la zakat et autres. Deuxième règle, de croire en ce qu'il a informé à propos des choses de l'au-delà, du paradis, de l'enfer et d'autres choses, ainsi de suite. La troisième règle, de s'écarter de ce qu'il a interdit ou de ce qu'il a déconseillé, comme al-zina et al-riba et tout ce que Allah et son messager ont interdit. Et la quatrième règle, de n'adorer Allah que par l'exemple qui a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala et par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc que tu n'arrives pas dans la religion avec des innovations qu'Allah n'a pas légiféré. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, hein, il fait un acte religieux, il fait une action dans le but d'adorer Allah ou de se rapprocher à Allah, et cette chose-là n'a pas été ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala ou légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, alors cette chose-là sera rejetée. Et quiconque invente quelque chose dans notre religion qui n'en fait pas partie, alors elle sera rejetée également, elle ne sera pas acceptée comme adoration. Maintenant, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il continue ce point-là et il dit: وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وحج البيت الحرام وحج وحج بيت الله الحرام. Le Cheikh dit que ça c'est les cinq piliers de l'islam, on les a dit déjà, c'est de témoigner de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, d'établir la salat, de donner la zakat, de faire le jeûne de Ramadan et de faire le hajj à la Mecque. Donc le Cheikh il explique ces points-là. Il dit premièrement à propos de la zakat, il dit dalil al-salat wa al-zakat fi tafsir al-tawhid wa tafsir al-tawhid قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم وذلك دين القيمة. Donc le Cheikh dit la preuve que la salat et la zakat et l'explication du tawhid sont ceux qu'on a mentionné, c'est dans le verset 5 dans sourate Al-Bayyina, et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui voyant une religion ou un culte pur et uniquement pour lui, hunafa, en s'écartant du shirk et en se dirigeant vers Allah seul, et d'établir la salat et de donner la zakat, et voilà la religion de la droiture. Voilà la religion de la voiture, de la droiture. Donc c'est ça. Et un autre exemple, c'est le verset 11 dans surat al-Tawbah, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وَآتَوُوا الزَّكَاةِ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Et s'ils font la, ils se sont repentis de l'idolâtrie, d'avoir associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ont fait la salat, c'est-à-dire ils sont rentrés dans l'islam, ils ont fait la salat, ils ont donné la zakat, alors ce sont vos frères en religion. Il mentionne l'autre verset qui dit dans le surat al-Tawbah, le verset 5, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وَأَتَوُوا الزَّكَاةِ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Et verset 5, s'ils font tawbah, c'est-à-dire ils rentrent dans l'islam, et qu'ils établissent la salat, et qu'ils donnent la zakat, alors laissez-leur le chemin libre. Et le chef, il parle du jeûne par la suite, et il dit, وَدَلِيلُ الصِّيَامِ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ إِلَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنَ. Donc ça c'est le verset dans surat al-Baqarah 183 jusqu'à 185. Le Cheikh il mentionne ce verset-là et il dit que ça c'est la preuve de l'obligation du jeûne dans l'islam, ce verset-là. Donc si quelqu'un vous demande c'est quoi la preuve dans le Coran que le jeûne est obligatoire, tu dis يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففي الأبخاب أي الذي يسوي على السويد أي أن الصيام واجب عليكم كل عام في شهر رمضان. فذلك الجول est obligatoire pour vous chaque année durant le mois de Ramadan. Et ensuite il parle du Hajj et il dit دليل الحج قوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الحج لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الآية. Donc le Cheikh dit que la preuve de l'obligation du Hajj c'est le verset 97 dans sourate Al Imran. Allah subhanahu wa ta'ala il dit il y a en fait des signes évidents là, l'endroit où se tenait Ibrahim. Et quiconque entre à l'intérieur, il est en sécurité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux gens le hajj vers la maison, la Kaaba, pour celui qui en a, qui en est capable, qui en est capable. Et quiconque mécroit, ou rejette la foi, alors, Allah est certes, riche, il peut se passer de l'univers. Et donc ça c'est la preuve que le hajj est obligatoire. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. Donc ça veut dire Allah il a rendu obligatoire pour les hommes de faire le hajj à la maison sacrée, al-Ka'ba. Ça c'est pour مَنْ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, pour celui qui en a les moyens et qui est capable. Le Cheikh il dit ensuite وَهُوَ مَرَّةٌ فِي الْعُمُرِ لِقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوَّعَ. Et c'est obligatoire une fois dans la vie d'un être humain, et c'est basé sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le hajj est une fois dans la vie, et quiconque augmente, c'est-à-dire en fait plus que ça, eh ben c'est tatawwu, c'est-à-dire c'est quelque chose de volontaire. Il peut faire plus s'il veut, mais c'est pas obligatoire. Ensuite, le cheikh il dit, فَالدَّلِيلُ الشَّهَادَةَ, la preuve du témoignage, c'est قَوْلُهُ تَعَلَى شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Là, c'est les paroles de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab dans Al-Usul al-Thalatha, le texte lui-même. Ça, c'est les explications de l'imam Muhammad ibn Wahhab lui-même qu'on va lire maintenant dans cette page. Le cheikh il dit فَدَلِيلُ الشَّهَادَةَ, la preuve du témoignage de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, plutôt la preuve de la première partie, c'est-à-dire de la ilaha illallah, la preuve de ce point-là. Ok, هذه الصفحة والتالية تابعة للمتن وقد تقدم شرحها فيما مضى. Ok, ce point-là, tout ce qu'on va expliquer maintenant, on l'a expliqué, le charge de cette page-là, il a été donné dans ce qui a précédé, dans les paroles de l'imam Ibn, Cheikh Ibn Baz. Donc, on a déjà clarifié ces points-là. Ok, mais quand même, on va lire le texte de Al-Usul al-Thalatha pour voir qu'est-ce qu'a dit l'imam, Muhammad Ibn Wahhab à ce sujet-là. Cheikh il dit, donc, la preuve de la ilaha illallah, c'est le verset 18 dans Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il témoigne lui-même que rien ne mérite d'être adoré autre que lui. De même que ses anges et les savants, hein, les gens qui ont reçu la science, hein, en toute justice. Rien ne mérite d'être adoré en dehors de lui, et il est le Tout-Puissant et le Sage. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il témoigne de ça, de même que les anges et les gens doués de science ou qui ont reçu la science. معناها, la signification de la ilaha illallah, c'est quoi? La ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a des gens qui interprètent ou traduisent mal la ilaha illallah. Ils disent, il n'y a de Dieu que Dieu. Ou, il n'y a de Dieu que Allah. Ou bien, il n'y a de Allah que Allah. Ou rien qui existe excepté Allah. Tout ça, c'est des fausses interprétations de la ilaha illallah ou des fausses traductions de la ilaha illallah. La ilaha illallah, ça ne veut pas dire ça. La ilaha illallah, parce que le mot ilah, ça veut dire al-ma'bud, tout ce qui est adoré. Et donc, quand Allah il dit la ilaha illallah, ça voudrait dire il n'y a rien qui est adoré excepté Allah. Mais c'est faux de dire qu'il n'y a rien qui est adoré excepté Allah, parce que dans la réalité, quand on observe dehors, on voit qu'il y a plein de choses qui sont adorées, excepté en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas vrai? Il y a plein de choses qui sont adorées par les gens, excepté en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande de dire la ilaha illallah, ça ne veut pas dire de dire il n'y a rien qui est adoré excepté Allah, ça veut dire il n'y a rien qui mérite réellement d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le créateur, le maître de toutes choses, celui qui possède les meilleurs noms et tous les attributs de perfection. Donc c'est lui seul qui mérite l'adoration. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des choses qui sont adorées dans le mensonge et qui ne méritent rien de l'adoration. C'est ça la différence. Et donc tu ne peux pas dire juste « il n'y a de Dieu que Dieu » parce que si tu dis « il n'y a de Dieu que Dieu », ça veut dire quoi? Hein? Il n'y a de Dieu que Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, ça c'est tawhid al-rububiyya. Ça, c'est qu'il n'y a pas de créateur sauf Dieu. Il n'y a pas de maître sauf Dieu. Il n'y a pas de tout-puissant sauf Dieu. Ça, même les mouchriquins de Mecca, ils disaient ça. Les mouchriquins de la Mecque, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui adorait les idoles, ils disaient, il n'y a de Dieu que Dieu. C'est pas ça qui te sauve de l'enfer. Si tu dis, il n'y a de Dieu que Dieu, puis après tu adores les tombes, tu adores les saints, tu pries les saints et tu leur demandes l'intercession, hein, et tu leur demandes de te guérir quand tu es malade ou des trucs comme ça, alors dans ce cas-là, tu es encore dans le shirk. Tu n'as pas encore dit la ilaha illallah comme il faut, tu n'as pas encore compris la ilaha illallah. Donc la ilaha illallah, ça ne veut pas dire il n'y a pas de créateur sauf Dieu. Hein? Ça, c'est la mauvaise compréhension de certaines sectes qui ont dévié dans le tawhid et qui ne connaissent pas la signification réelle du tawhid. Le vrai sens de la ilaha illallah, ça veut dire la ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a rien qui mérite réellement d'être adoré ou qui mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a des choses qui sont adorées par les hommes en dehors d'Allah, sauf qu'elles ne méritent pas l'adoration. C'est ça la différence. Celui qui mérite l'adoration, c'est celui qui a créé l'univers, qui a tout créé, qui est le seul maître de toutes choses. Et donc, le cheikh il explique qu'il y a deux, il y a deux piliers à la ilaha illallah, la négation et l'affirmation. La ilaha, c'est l'affirmation, hein, il dit la ilaha illallah, pardon, c'est la négation, nafyan jami' ma yu'badu min dunillah. إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. Donc le cheikh il dit que la première partie c'est la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et la deuxième partie c'est d'affirmer que seul Allah mérite d'être adoré et qu'il n'a pas de partenaire dans son adoration, hein, comme il n'a pas de partenaire dans son royaume et dans sa création. Yarhamukallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé l'univers, il n'a pas de partenaire, il n'a pas d'associé dans la création. Et bien, de la même façon que dans la création il n'a pas de partenaire, dans l'adoration non plus on n'a pas le droit de lui donner des partenaires. Dans l'adoration on n'a pas le droit non plus de lui donner des partenaires. Tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Le verset 26 à 28 dans سورة الزخرف, c'est l'explication de la ilaha illallah. Vous voulez savoir ce que ça veut dire la ilaha illallah? La preuve qu'il y a une négation et une affirmation, regardez, même dans le Coran on voit l'interprétation de ça, et que c'est ça la signification. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et lorsque Abraham dit à son père et à son peuple, je me désavoue de tout ce que vous adorez, la ilaha illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, excepté celui qui m'a créé, parce que c'est lui qui va me guider, illallah. Il y a la négation en premier et l'affirmation qui suit tout de suite après. La ilaha illallah, je me désavoue de tout ce que vous adorez excepté Allah. C'est ça l'interprétation de la ilaha illallah. C'est ça ce que ça veut dire la ilaha illallah. Tu te désavoues de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, puis après tu affirmes que seul Allah mérite d'être adoré. C'est ça ce que Ibrahim a dit à son peuple. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Et il a fait de cette parole quelque chose qui reste jusqu'à aller dans sa descendance par la suite, pour qu'il puisse revenir. Cette parole-là, elle est restée. La parole d'Ibrahim, c'est la ilaha illallah. Ensuite, il mentionne un autre exemple de ça. وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Ça c'est le verset 64 dans surat Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ô vous les gens du livre, c'est-à-dire ô vous les juifs, ô vous les chrétiens, venez vers une parole, hein, vers une parole qui va nous unir, il a qu'à les mettre une sawa, hein, venez vers nous, on va se réunir sur une parole, et cette parole-là c'est quoi? C'est que on a personne à adorer excepté Allah. On doit uniquement adorer Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul. Et on ne doit rien associer avec lui. Et on ne doit pas se prendre les uns les autres comme des seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'ils se détournent, alors dis-leur, hein, témoignez que je suis parmi les soumis et parmi les musulmans. Donc ça c'est pour dire aux gens du livre que s'ils veulent dialoguer avec nous, faire un rapprochement ou dialoguer avec les musulmans, ils doivent se mettre d'accord sur ce fondement-là, sur cette base-là, qu'on adore juste Allah, et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, que ce soit Jésus, Marie, Joseph, les saints, les anges, les djinns, n'importe quoi, les croix, les statues, les idoles, toutes ces choses-là, on n'adore pas. On adore juste le Créateur. Si vous êtes prêts à vous mettre d'accord sur ça avec nous, et qu'on ne prend pas les uns les autres, on se prend pas les uns les autres comme des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, hein, on prend pas les prêtres, hein, comme des gens pour aller voir les prêtres, pour dire au prêtre, quand tu as fait un péché, tu vas à la confesse, et tu dis au prêtre, mon père, j'ai péché, et le père qui te dit « va en paix mon fils », ça c'est comme si c'est lui qui va te pardonner, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Nous dans l'islam, nous dans l'enseignement de tous les messagers d'Allah, quand quelqu'un fait un péché, il se retourne pas à un être humain, il se retourne à Allah subhanahu wa ta'ala pour demander pardon. Et donc il ne prend pas d'égo avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration ou dans le pardon ou dans d'autres formes d'adoration. Donc si les chrétiens et les juifs sont d'accord avec nous pour dire ça, alors alhamdoulilah, ils deviennent musulmans, on se met d'accord sur l'islam entre nous. Parce que c'est ça, ce message-là même, il est dans leur livre à eux, et c'est à ça que tous leurs prophètes et leurs messagers ont enseigné. C'est ça qu'ils ont appelé à ça, ils ont appelé à ça eux aussi. Donc, s'ils ont dévié de ça, c'est parce qu'ils ont quitté le message de leur prophète. Comme parmi les musulmans aujourd'hui, il y en a qui ont quitté le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ont commencé à adorer des saints et des tombes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les chrétiens, comme des juifs avant qui se sont égarés, mais parmi les musulmans, il y en a aussi qui se sont égarés de la même façon et qui ont créé des sectes et des groupes et des formes d'idolâtrie et qui se sont déviés de l'enseignement de leur prophète, de la même façon. Donc, c'est ça qu'on doit dire aux chrétiens et aux juifs et à tous les koufars. Hein, et s'ils refusent, alors soyez témoins que nous sommes musulmans et nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous faites comme shirk et comme idolâtrie et comme contradiction avec les enseignements du prophète. Il dit « وَدَلِيلُ شَهَدَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ » Et la preuve du témoignage de Muhammad Rasulullah, c'est dans le verset dans lequel Allah il dit « قَوْلُهُ تَعَلَى لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Le Cheikh dit la preuve du témoignage de Muhammad Rasulullah, c'est le verset 128 dans Sourate Tawbah. Certes, il vous est venu un prophète venant de vous, qui reçoit de la difficulté pour ce que vous avez éprouvé comme difficulté vous-même, et qui a un désir ardent de voir que vous êtes bien guidé et que vous êtes au paradis et non pas en enfer, et qui est miséricordieux et qui a de la compassion pour les croyants. Donc ça c'est le verset qui montre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est réellement le messager d'Allah, et il y en a d'autres versets comme ça, comme on a mentionné dans l'explication du Cheikh Bin Baz tout à l'heure. Et la signification du témoignage de Mohammed Rasulullah, c'est comme on a dit tout à l'heure, de l'obéir dans ses ordres, de croire en ce qu'il a informé de la religion, de s'écarter de ce qu'il a interdit ou de ce qu'il a déconseillé, et de ne l'adorer, c'est-à-dire de l'adorer Allah que par l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, on doit croire en lui comme on doit croire à tous les autres messagers qui sont venus avant lui, Jésus, Moïse, Jacob, Abraham, tous les autres prophètes, Noé et tout ça. On doit croire en tous ces prophètes-là, mais on n'a pas le droit d'en adorer aucun d'entre eux, ou d'offrir des prières à aucun d'entre eux. Celui qui prie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou qui fait des invocations dirigées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui demande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de le guider ou de lui donner quelque chose, alors dans ce cas-là, il est mushrik. Il a fait du shirk avec Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a quitté l'islam en faisant ça. Même s'il se dit musulman, il n'a pas le droit d'invoquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou de demander quoi que ce soit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou à n'importe quel parmi les prophètes, et encore moins à un autre que le prophète, ou un saint, ou un wali, ou autre chose de ce genre. Donc ça c'est à propos de ce point-là. Et ensuite, ok, le cheikh il dit ensuite, « وَدَلِيلُ الصَّلَاةُ وَالزَّكَاءُ وَتَفْسِيرُ التَّوْحِيدُ قَوْلُهُ تَعَالَى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة ودليل الصوم ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Donc ça c'est les versets qui prouvent le tawhid, qui prouvent la salat, la zakat et l'explication du tawhid, et c'est les preuves du jeûne et les preuves du hajj, et on les a déjà expliqués tout à l'heure. Donc, on n'a pas besoin de les réexpliquer encore une fois. Le cheikh nous passe maintenant ensuite à un autre point, et c'est avec ce point-là qu'on va s'arrêter. C'est l'Iman. Le cheikh il dit al-martabatu thaniya al-Iman. Le deuxième degré de la religion, c'est l'Iman, c'est la foi. وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمادة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit que la foi, c'est le deuxième degré de l'islam, c'est l'Iman. Et le Cheikh, il dit que la foi, elle est divisée en 70 et quelques branches. La plus haute dans ces branches-là, c'est de dire « La ilaha illallah ». Et la plus basse d'entre elles, c'est d'enlever quelque chose qui bloque le chemin ou qui nuit dans le chemin. Donc ça aussi, ça fait partie de la foi. Soit quelque chose qui est sur le chemin, tu l'enlèves. Et « Al-haya », d'avoir la pudeur et d'être gêné, d'être timide. Ça fait partie de la foi, c'est une branche de la foi. Donc le Cheikh Mohammed, le Cheikh Abdelaziz ibn Baz, il explique ce passage-là. Il dit الإيمان هو ما يتعلق بالقلوب من التصديق بالله وأنه رب العالمين وأنه هو المستحق للعبادة والتصديق بالملائكة وبالكتب وبالرسل وبالبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر خيره وشره كل هذا يتعلق بالقلوب فهو أصل من الأصول التي لا بد منها فلا بد أو فلا إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام فلا بد من هذا وهذا ولا بد من إسلام من إسلام الجوارح ولا بد من إسلام القلوب وإيمانها ولهذا جمع الله بين الأمرين في كتابه العظيم وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهما جميعا لشيخ الذكر الأفوى سيكس كي عطاك لك ونفعلت الإسلام C'est par rapport aux actions, aux actes d'adoration, les cinq piliers. Maintenant, l'Iman, c'est qu'est-ce qui a rapport avec le cœur. Et c'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est le maître de l'univers. Et qu'il est le seul qui mérite l'adoration. Et de croire en ses anges, et en ses livres, et en ses messagers, et en la résurrection après la mort. Et de croire au paradis et à l'enfer, et de croire en la prédestination. Qu'est-ce qu'Allah a prédestiné pour nous de bien ou de mal? Il faut croire en tout ça. Tout ça, c'est un rapport avec le cœur, parce que c'est la base de toutes les bases, et elle part du cœur, cette foi. Et il n'y a pas d'islam sans la foi, et il n'y a pas de foi sans islam. Les deux sont ensemble. Et le cheikh dit donc qu'il faut avoir les deux. Il faut avoir l'islam et il faut avoir l'iman. Donc il dit que il n'y a pas, il faut qu'il y ait l'islam du corps, et il faut qu'il y ait l'islam du cœur et la foi du cœur. Il faut qu'il y ait les deux. Et Allah, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a réuni les deux dans le Coran. Il a réuni la foi et l'islam dans le Coran. Et Hakad al-Rasul, le même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni la foi et l'islam, l'iman ou l'islam dans le Coran. فالإسلام هو الانقياد الظاهر بطاعة الله وترك معصيته والإيمان يشمل الأعمال الباطنة ومما يتعلق بالقلوب وتصديقها. Le Cheikh il explique que l'islam, c'est de se soumettre physiquement, en apparence, à Allah subhanahu wa ta'ala et d'abandonner le péché. Ça, c'est l'islam. Et c'est l'extérieur. Qu'est-ce qui a rapport à l'obéissance et à la soumission extérieure par les actes d'adoration et par le fait de s'écarter des péchés. Et la foi, ça comprend les actions intérieures qui ont rapport avec le cœur et la foi. C'est pour ça qu'on dit que l'hypocrite, c'est celui qui se soumet à l'extérieur avec les actions de la foi, mais qui ne croit pas, qui n'a pas les actions du cœur à l'intérieur. Lui, c'est le munafiq. Hein? Et le vrai croyant, il a les deux. Il se soumet à l'extérieur et à l'intérieur. ويطلق الإسلام على الإيمان ويطلق الإيمان على الإسلام فإذا قيل الإيمان عم الجميع وإذا قيل الإسلام عم الجميع وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام فيعم ما يتعلق بالباطن والظاهر وهكذا الإيمان إذا أطلق عم الجميع لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق فالإيمان هنا يعم الجميع فيعم أركان الإيمان pardon فيعم أركان الإسلام ويعم جميع الأعمال الظاهرة كما يعم الباطنة كما أنه يشمل الإحسان كذلك. Le Cheikh il dit qu'on peut parfois dire l'islam et on peut parfois dire l'iman et ça implique les deux. Des fois tu dis, tu peux appeler la foi islam et tu peux appeler l'islam iman. Tu comprends? Tu peux appeler l'islam la foi et tu peux appeler la foi islam aussi. En tout cas, tu peux interchanger les deux. Tu peux utiliser les deux pour vouloir dire un ou l'autre. C'est ce que ça veut dire. Parce que la foi implique l'islam et l'islam implique la foi. D'accord? Et si tu dis l'islam tout seul, le mot islam tout seul, ça implique la foi. Et si tu dis, ça implique l'iman donc. Et si tu dis l'iman tout seul, ça implique l'islam. Les actions et les paroles et les croyances du cœur. Le Cheikh donne l'exemple que Allah subhanahu wa ta'ala a dit inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Ça veut dire que la religion pour Allah c'est l'islam. C'est le verset 19 dans sourate Al-Imran. Et ad-din, la religion, ça implique tout, ça comprend tout, les actions du corps et les actions du cœur. La religion c'est tout, l'islam au complet. Donc quand tu dis que la religion pour Allah c'est l'islam, mais l'islam ça implique non seulement les actes du corps mais également la foi. D'accord? C'est pourquoi on spécifie tout ça? C'est parce que quand on lit le hadith ou quand on lit l'explication des ulama, il clarifie que l'islam c'est les actes d'adoration qu'on fait avec notre corps et l'iman, la foi, c'est qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Toutefois, si tu dis que tu es musulman, ça implique que tu crois en l'islam, que tu crois en la foi, aux articles de la foi. Si tu crois pas aux articles de la foi, tu n'es pas musulman, même si tu dis que tu es musulman. Donc, quand tu dis islam, ça implique la foi. Et quand tu dis la foi, ça implique également que tu fais les actions. Tu peux pas dire je suis croyant si tu fais pas les cinq piliers de l'islam ou si tu pratiques pas les règles de l'islam. Hein? Donc, il faut que la foi et la soumission soient réunies ensemble. La soumission du cœur et la croyance du cœur, l'action du corps et la soumission du cœur. Attends. L'action du corps et la croyance du cœur doivent être ensemble, c'est ça ce que je veux dire. Et le cheikh il dit, regardez par exemple, dans ce verset-là, « Inna dina inda Allah il-Islam » La religion, c'est l'islam, et la religion ça implique tout, l'intérieur et l'extérieur. Hein, c'est ça ce que ça veut dire. Et donc, ça englobe, hein, ou ça comprend l'intérieur et l'extérieur. De même que parfois tu utilises le terme iman et ça englobe toute la religion au complet. Comme dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la foi c'est 70 et quelques branches. Dans ce hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que la meilleure partie de la foi c'est de dire la ilaha illallah, ou la plus haute branche c'est de témoigner de la foi en la ilaha illallah, et la plus basse des branches c'est d'enlever quelque chose du chemin. Et ça c'est une action. Et ça fait partie de la foi aussi. Donc ça veut dire que l'action fait partie aussi de l'iman, d'accord? Et donc c'est pour ça que le cheikh il dit que la foi englobe le tout également. Et ça englobe également les cinq piliers de l'islam. Et ça englobe toutes les actions apparentes et les actions intérieures. Et ça englobe également l'ihsan, qui est le perfectionnement de la foi. Et donc on va s'arrêter ici, inshallah, puis on continuera après la prière de عفر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.